voudrais pouvoir rentrer dans le livre de ton corps qu'on te lise, l'alphabet écrit sur les lignes de ta main. Mais sache d'abord que le corps humain est gorgé d'eau. Ce que tu crois être un livre de vie ne sont que des cours d'eau asséchés, car l'eau reste à l'intérieur de ton corps comme dans une outre d'eau. Mais ne veux-tu pas voir l'eau ruisseler? Tes mains sont moites, c'est un bon début. Tes mains sont sèches, mais elles pourraient accueillir de l'eau, accueillir de l'eau. Les lignes de la main sont comme le delta du Nil fait pour accueillir l'eau. À vos clos, à vos clos. Les lignes de la main sont comme le lit d'un fleuve, ont différents niveaux, pas la même perception. Si tu rajoutes l'eau, rajoute l'eau, rajoute l'eau. L'eau descend dans ta main, fais venir l'océan dans ta main. Ne vois-tu pas l'eau sortir de ton corps? Tu n'as plus de ligne de la main, juste des cadeaux dont on ne saurait estimer la profondeur et qui se croisent comme les embranchements d'un delta. Mais le delta n'est pas la finalité, l'eau du delta se jette dans l'océan. Ne te mets pas dans de beaux draps, fais déborder l'eau du lit du destin. Si tu veux faire venir une sirène dans la pyramide de ton cœur, offre-lui de la place pour plonger. Le delta du Nil doit être submergé, fais venir l'océan dans ta main. Fais venir l'océan dans ta main. La ligne de la main sont comme le lit d'un fleuve, ont différents niveaux, pas la même perception. Si tu rajoutes l'eau, rajoute l'eau, à vos clos, à vos clos. Fais venir l'océan dans ta main, fais venir l'océan dans ta main, fais venir l'océan dans ta main.